les baladeuses. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour la même raison que les autres. Dans le silence mortifère d'un printemps où les populations d'insectes sont de moins en moins nombreuses, nous évoluons toujours aveuglément chaque jour et parfois, on trouve d'étranges créatures à la beauté diaphane, à la voix ensorceleuse, au silence qui suspende le temps et laisse passer les anges. 1, 2, 3, reine du silence, laissez-vous prendre et tendez l'oreille à leur chuchotement. Sans vous découvrir d'un fil, rejoignez les baladeuses d'avril hors des sentiers battus, le quatrième mercredi de chaque mois de 10h à 11h30 sur Radio Dio. Aujourd'hui, pas de chasse aux œufs, mais on part à la chasse aux bourreaux, à celles et ceux qui nous laissent dans les puits de silence pourrir lentement. Aujourd'hui, Sophia ne prend pas sa douche car elle est en restriction budgétaire, elle aussi. Aujourd'hui, on parle du silence dans les baladeuses. Des grands silences et des petits silences. Des printemps silencieux et des trop silencieux printemps. Et on lira du Rachel Carson tout à l'heure. C'est difficile de parler du silence car il parle tellement bien de lui-même. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe, le silence ? Juliette, je crois que nous discuterons de cela avec notre absent du jour. L'absent va venir dans notre émission des baladeuses tout à l'heure, c'est John Cage. Il ne va pas tarder, mais il cherchait une quincaillerie. Alors, à part la droguerie de la Tour en centre-ville, je ne savais pas quoi lui indiquer pour acheter des vis et des boulons. Ça avait l'air de lui tenir à cœur. Il m'a parlé de piano, mais également de champignons. Bref, on en saura plus tout à l'heure. Super. Tout au long de notre émission des baladeuses, nous saupoudrerons vos oreilles de petits sons enregistrés et invités par Juliette pour apprendre à entendre, mais aussi à écouter. Alors, êtes-vous comme la rainette verte américaine qui emploie non seulement ses oreilles, mais également ses poumons pour écouter ses congénères ? Comment écoutez-vous ? Je vous invite dans un second temps à découvrir le très beau livre de Jérôme Sueur, « Histoire naturelle du silence », où on peut y lire, je cite, « Nous avons cherché au dehors le silence absolu sans pouvoir le rencontrer, ce zéro décibel qui n'existe pas vraiment. Nous avons parfois rencontré le silence naturel, ce silence plein, exempt du bruit humain. Nous trouvons maintenant ce que nous ne cherchons pas, mais ce que nous subissons. Le silence physiologique, le silence imposé par les propriétés de nos sens, une forme de surdité qui est un silence spécifique, un silence individuel, un silence du dedans. » Et puis un peu plus loin dans ce livre de Jérôme Sueur, cette phrase si douce, « Le silence est chéri pour être brisé. » Alors ne brisons pas pour ne rien dire, prenons soin de rompre délicatement ces silences chéris. Vous êtes sur Radio Dio avec les baladeuses, on vous emmène écouter le silence à l'intérieur, à l'extérieur. 1, 2, 3, reine du silence, laissez-vous porter. Silence. Silence radio. Silence radio. Silence radio. Silence. Je voudrais vous y voir. Tiens, c'est pas le tout, mais ça donne rien à une belle jambe. Un peu, mon neveu, un peu d'air à la régalade, un petit néant à la confiture d'embrouille, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, toute la vie. Quoi ? Et puis quoi encore ? À se refaire, pas idée, se faire la malle, oui. Hop, tous dedans, et uadia, la vie, comme je te pousse. À la vie qui passe et repasse, repassera par là, la belle que voilà. Tous les lauriers coupés dans le petit bois, madame, va te faire voir ailleurs si j'y suis, que je m'y mette. Si c'est pas du coquelicot, ça, eh ben vous m'en direz des nouvelles, la belle affaire. C'est pas le tout, mais les bras ballants à gober les mouches, ma vieille, allez-vous, t'as l'air de quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, qu'il disait ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? Mal faire, refaire, défaire, se refaire une santé, Tiens, elle est bien bonne celle-là. La machine à rien, le peintre. Pousse-toi là que je m'y mette, tu parles que ça me rêve. Reste pas dans mes pattes, la bouche en cœur. Plus rien à voir, rien à dire. Juste mariner comme un ressort trop serré dans la boîte. Elle tourne, rugit, régit, concasse en cadence la machine à rien. Toujours trop, pas assez ceci, cela. Cause toujours, on léchera le bâton. Si c'est pas pour dire, c'est pourquoi. La machine à rien avance. Pourquoi faire, défaire, se refaire une santé? Tiens, elle est bien bonne celle-là. Jeter des cailloux dedans, ça fera ploc. Assis cul nu près de la gazinière. Ça mange pas de pain, ça tient dans une main. Celle du dérisoire, celle de l'histoire qui se joue. De toi, de moi, de nous. Regarde-moi de ça, tu te prends pour qui, pourquoi, qu'est-ce que tu crois, que quoi, que si, que ça, la machine à rien? Foutre des coups de pied dedans. Le modèle. Tous les jours, ces jours, tous les jours, ces silences radio. Je me demande si on ne pourrait pas faire comme... Et puis après, ce serait quoi? Ça ne peut pas faire de mal, même si... Ça serait tout comme contre, même pas en rêve. Le peintre, 20 plus 20, j'y arriverai, et encore 20, pas moyen. Le modèle, 20 plus 20 plus 20, j'y arriverai, et encore 20, pas moyen. La bataille, les visages, voire rien que les visages. Son cri crécelle, toute petite tête, sa toute petite tête. Oui, même pas un nom. Un nom à mettre, un nom à poser. Tout juste un mot. Toujours la bataille. Toujours l'aimer. On fera tout comme un et puis une. Toujours lente, puis rien. Et encore une. Très lente, montée. Vague à peu près emportée. Le peintre, le sac par terre, le train pendre, la toute petite voix qui sort de la toute petite tête, on ne sait pas, un enfant, un homme alangui, on ne sait pas, l'abandon quand ça vient. Le modèle, encore un bas de foutu, pas moyen. Faire confiance, en bas, là-bas, plus bas, mettre bas, comme les chiens, les chiennes, l'abandon alangui. C'était beau, sa toute petite voix qui sortait de sa toute petite tête, la voix de la tendresse. Ça prend, ça lâche pas, ça fait tout comme l'abandon après la bataille, la bête du cœur qui crie. Le peintre et le modèle. Plus à une bataille près, à mon âge. Et encore, silence radio, tout le jour. Le peintre. Tous les jours, pas pareil. Demain, pas pareil. Derrière les yeux et derrière les yeux, tout au fond, ça bruit. Même plus de mots, un arrière-fond, une belle cacophonie. Derrière les yeux et derrière les yeux, à faire taire. Ou alors, un mot, juste un, qui surnage parmi décombres et détritus, qui plonge. Silence radio, petit bateau qui m'embarque. Ohé, capitaine. Le modèle. Ohé, capitaine, encore un. Et puis, une lente, très lente avancée. Le peintre. Et puis 20, j'avais dit 20 de plus, en plus. Ce sera tout comme. Ça fera pas rien. Rien plus rien. Le modèle. Ça fait toujours quelque chose. Toujours un de plus. La bataille à mon âge. Même pas en rêve. Silence. Silence. Radio. Silence Radio. Silence Radio. Les baladeuses. Tu veux peut-être qu'on change de place, Juliette? On va avoir droit à un petit balai dans les studios de Radio Dio. Oui, des petits balais en silence. Voilà, on va essayer d'être discrète, comme on sait le faire. C'est-à-dire ouvrir les portes doucement, les refermer doucement, ne pas faire claquer nos pas par terre. Voilà, tu peux remettre le son des grillons, là, si tu... Il y a un petit... Non ? Est-ce qu'on a un petit son de grillon ou... Peut-être profiter pour écouter un peu... Les baladeuses. Ah ouais, non, on n'a pas plus long. Voilà, et on vient d'entendre un extrait de la pièce qui s'appelle Silence Radio, voilà, qui a été jouée au Choc Théâtre il y a déjà plusieurs années, également à la médiathèque de Tarentaise, à la Galerie des Cimaises, avec Sarah Avelichelan-Segalon et Romuald Pailly. Bon, on change de place alors. Petit balai, en direct. Et on retrouve tout de suite Juliette. Les petits cliquetis s'arrêtèrent soudainement. Je croyais encore les entendre pourtant. Ils résonnèrent à l'arrière de mon cerveau un moment. C'était eux et ce n'était plus eux. Simple réverbération interne. Pouvais-je les faire surgir à nouveau, comme s'ils étaient encore présents ? J'essayais de les convoquer à volonté. Pas si simple. Je me remémorais leur frappe, leur rythme, la brusque plongée vers le silence. Encore une fois, ils s'évanouirent d'un coup. Ce qui a été n'est plus si ce n'est dans les méandres de mon esprit. Ce qui a été... Mais est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ? Ou est-ce mon esprit bricoleur qui a produit ce petit arrangement rien que pour moi ? J'étais là, et puis là encore, et il y a eu ces bruits, n'est-ce pas ? Je les ai bien entendus, non ? Recommençons. J'étais à cet endroit, les mains posées sur les genoux, immobile. Dans le silence de la solitude et la solitude du silence. Laquelle garde l'autre ? Amicale compagne sans cesse à apprivoiser. Les mains sur les genoux, immobiles. Là, maintenant. Les voilà. Grand silence, petit silence. Grand silence, petit silence. Et des comptes du temps. John Cage, oui, je vous en prie, entrez. Vous êtes musicien, compositeur, mais aussi peintre, poète et même spécialiste des champignons. Faites voir. Ah oui, ah bah enfin, ça, non, on le mange pas. Hein. Ah bon, en Californie, vous le mangez, ok. Vous avez rassemblé vos conférences et vos écrits dans un livre sous le titre « Silence ». Une de vos préoccupations majeures pendant un grand moment. On va d'ailleurs entendre les baladeuses Sophia et Julie nous en lire des extraits. Quand la perspective adoptée est caractérisée par le processus, qu'est-ce qui arrive, par exemple, au silence ? C'est-à-dire, comment la perception qu'en a l'esprit se modifie-t-elle ? Auparavant, le silence était le laps de temps entre des sons, utiles à toute une série de fins, comme celle de l'arrangement soigné, ou en séparant deux sons ou deux groupes de sons leurs différences ou leurs relations peuvent être soulignées. Ou celle de l'expressivité, où les silences dans un discours musical peuvent fournir une pause ou une ponctuation. Ou encore celle de l'architecture, où l'introduction ou l'interruption du silence peut donner une définition soit à une structure prédéterminée, soit à une structure se développant organiquement. Là où aucun de ces buts n'est présent, le silence devient quelque chose de différent, non plus du tout du silence, mais des sons ambiants. Vous êtes né en 1912. Vous êtes né en 1912 et vous êtes mort en 1992. Cette traversée du siècle vous amène d'abord en Californie, où vous êtes né et où vous avez fait 2 années d'études. Puis, vous partez à Paris où vous fréquentez l'avant-garde des artistes qui y résident à la fin des années 20 et au début des années 30. C'est un temps de vaches maigres, très très maigres. Vous demandez à Schoenberg, le compositeur, de vous donner des cours gratuitement, ce qu'il fera, mais à la condition expresse que vous vous consacriez uniquement à la composition et que vous renonciez à toutes vos autres passions. Ah ça va être difficile, hein. De toute façon, pour lui, vous n'avez pas le sens de l'harmonie. Cela ne sert à rien de vouloir être compositeur, à moins de vouloir se taper la tête contre les murs. Vous répliquez que vous allez vous battre contre ces murs. Composer est une chose, interpréter une autre, écouter une troisième. Que peuvent-elles avoir à faire l'une avec l'autre ? De retour aux États-Unis, vous enseignez la musique dans une école à Seattle. C'est là qu'on le vous demande pour la première fois de composer pour le département de danse. À la place d'un orchestre de percussion, trop encombrant, vous préparez un piano, avec des vis et des boulons pour le rendre percussif. Les premières tentatives de performance et de composition originale surgissent dans la mouvance des compositeurs américains, vos camarades, que sont Christian Wolff, Earl Brown, Morton Feldman. En fait, tout un mouvement qui entend créer la musique du XXe siècle, remettant en cause toutes les hiérarchies. Si l'un de nous dit que les 12 tons devraient être tous alignés en rang, et un autre dit qu'ils ne devraient pas, qui d'entre nous a raison ? Que se passe-t-il si un si bémol me vient, comme on dit ? Comment puis-je faire pour qu'il vienne à moi de lui-même ? Non parce qu'il surgit de ma mémoire, de mon goût et de ma psychologie. La musique contemporaine n'est pas la musique du futur ni la musique du passé, mais simplement la musique présente parmi nous. Ce moment, maintenant. Ce moment, maintenant. Remettre en cause toutes les hiérarchies. Un antifascisme appliqué à la musique, en quelque sorte. Oui, et pas seulement à la musique. Vous êtes un anarchiste sans dogme, profondément anti-autoritaire, vous qui ne bazardez pas la spiritualité avec l'eau du bain. Vous êtes une sorte de dada zen, comme certains commentateurs ont essayé de vous définir. L'idée, c'est d'accepter ce qui est, un son tel qu'il est, ou autre chose. La musique n'est-elle que des sons ? Alors, que communique-t-elle ? Un camion qui passe, est-il de la musique ? Si je peux le voir, dois-je l'entendre ? Également. Si je ne l'entends pas, communique-t-il quand même ? Si pendant que je le vois, je ne peux l'entendre, mais j'entends quelque chose d'autre, disons un batteur à œufs parce que je suis à l'intérieur et je regarde dehors. Est-ce le camion qui communique ou le batteur à œufs ? Qui est le plus musical ? Un camion qui passe devant une usine ou un camion qui passe devant une école de musique ? Les gens à l'intérieur de l'école sont-ils musicaux et ceux à l'extérieur non musicaux ? Dans vos créations des années 30 déjà, vous utilisez des postes de radio, des électrophones, des moulinettes électriques, enfin bref, tout un appareillage qui devient lui aussi objet d'expérimentation, comme l'assemblage des sons que vous en sortez. Vous rencontrez Merce Cunningham, le danseur et chorégraphe à Seattle. Une collaboration, un amour, un compagnonnage va naître entre vous et durer toute votre vie. Et tous les deux, à la fin des années 40, vous allez contribuer à aider au renflouement des fonds de l'école d'art interdisciplinaire et autogérée Black Mountain College. Elle a été créée à la fin des années 30 par les artistes du Bauhaus tous exilés allemands, fuyant le nazisme. Elle va accueillir des centaines d'étudiants et d'étudiantes jusqu'à la fin des années 50. On s'y essaie à toutes les pratiques artistiques et artisanales. Comme l'école est autogérée, on y fait aussi la cuisine, on nettoie les locaux, on s'occupe du bétail et du jardin également. C'est dur de faire fonctionner l'école avec aucune entrée d'argent. Alors à la fin des années 40, pendant tout l'été, sont organisées des sessions de travail avec des artistes venus de tous les États-Unis. Des performances annoncées convient un public, moyennant en finances. Quelque chose comme le silence existe-t-il? Même si je m'éloigne des gens, dois-je toujours écouter quelque chose? Disons que je suis dans les bois. Dois-je écouter un ruisseau babiller? Y a-t-il toujours quelque chose à entendre? Jamais la paix ni la tranquillité? Si ma tête est remplie d'harmonie, de mélodie et de rythme, que m'arrive-t-il quand le téléphone sonne? Je veux dire à ma paix et à ma tranquillité. Si les questions n'étaient pas des mots, mais des sons. Si les mots sont des sons, sont-ils musicaux ou sont-ils juste des bruits? Si les sons sont des bruits et pas des mots, ont-ils un sens? Sont-ils musicaux? Vous réalisez des performances publiques, mais on ne dit pas performance à l'époque, on dit happening. On imagine la première, elle a été décrite comme un joyeux mélange. Les spectateurs pouvaient participer, on raconte qu'il y avait des échelles, du café, un chien qui suivait Merce Cunningham qui dansait. On ne savait pas quand cela commençait ni quand cela se terminerait. Le cinéaste Arthur Penn, qui a réalisé Little Big Man par exemple, a été un élève de Black Mountain College. C'est lors d'une de ces sessions que vous rencontrez le peintre Robert Rauschenberg. Il est dans sa période des « white paintings ». Vous écrivez que... Les tableaux étaient des aéroports pour les lumières, les ombres et les particules. Et vous lui rendez hommage en disant que ces tableaux blancs vinrent en premier. Votre pièce silencieuse va ensuite. Votre pièce silencieuse, ah yes, you did it. À la même période, vous expérimentez un séjour, plutôt court, en chambre anéchoïde. Cette pièce coupée de toute onde sonore. Elle aussi va vous inspirer cette fameuse pièce silencieuse. Le silence n'existe pas. Va donc dans une chambre anéchoïde et entends-y ton système nerveux en activité et entends-y ton sang en circulation. 4 minutes 33, 1952. Elle est jouée pour la première fois à Woodstock, le même Woodstock qui fera parler de lui 17 ans plus tard. 4 minutes 33, une pièce musicale, blanche, en quelque sorte, interprété par David Tudor, avec un piano qui ne joue pas. Elle est décomposée en trois mouvements, pour autant, marqués par le couvercle qui s'ouvre et se referme. Premier mouvement, le vent des arbres à l'extérieur. Deuxième mouvement, pluie d'été. Troisième mouvement, les spectateurs se mettent à parler entre eux. Pourquoi est-ce si difficile pour tant de gens d'écouter? Pourquoi commencent-ils à parler lorsqu'il y a quelque chose à entendre? Ont-ils leurs oreilles non pas sur les côtés de leur tête, mais à l'intérieur de leur bouche, pour que lorsqu'ils entendent quelque chose, leur première impulsion soit de commencer à parler? Pourquoi ne ferment-ils pas leur bouche? Et n'ouvrent-ils pas leurs oreilles? Sont-ils stupides? Voilà, cet acte artistique inédit a lancé votre carrière, après plus de 20 ans de travail derrière vous. John? John Cage? Yes. Je peux vous appeler John? Yes. Nous allons continuer. Un son... La musique? Est-il aigu? Je veux dire... Est-elle un son? Est-il grave? Si oui, la est-il musique est-elle médian? De la musique? Le mot musique est-il de doux? La musique? Est-il fort? Y en a-t-il deux? Communique-t-il quoi que ce soit? Y en a-t-il plus de deux? Le doit-il? Est-ce un piano? Et s'il est aigu? Pourquoi n'en est-ce pas et un? Et s'il est grave? Était-ce et un avion? Était-ce et s'il est un doux? Bruit? Et s'il est fort? Était-ce de la et musique? Et si c'est une intervalle? Un intervalle est-il un accord? Plus doux qu'avant? Est-il supersonique? Un accord est-il un agrégat? Quand s'arrêtera-t-il? Un agrégat est-il une constellation? Et ce temps est-il très court? Combien de sons y a-t-il en tout? Très long. 1 million. Juste au milieu. 10 000. Si je devais voir 88 quelque chose, serait-ce du théâtre? Écoutez les baladeuses. C'est entendu, il faut se taire. Ne rien dire et laisser faire. Ne rien dire. Dire ne sert à rien. Dire, ce n'est pas faire. Et faire, ce n'est pas rien. Laisser faire et laisser dire. Rien dire et rien faire. Faire ne sert à rien, et rien dire, ce n'est rien faire. Rien laisser dire, rien laisser faire, rien laisser. Rien faire qui ne laisse rien, rien faire qui ne sert à rien, rien dire qui ne laisse rien faire qui ne laisse dire. Faire ce qui sert, dire ce qui sert à rien. Ne rien laisser faire si ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de rien laisser faire sans rien dire. Hein? Rien laisser faire sans rien dire? Comment faire? baladeuse. Tu as vu comme la nuit on n'entend rien. Et ensuite, il y a plein de bruit. D'abord, il y a la mobylette qui passe là-bas. Si elle approche par ici, ça va faire du barouf. Ah non, elle passe, mais plus loin. Ça y est, on ne l'entend déjà plus. Plus que le frigo qui vient de se déclencher. Et les griffes du chat, tiens, qui vient vers moi. Et qui ronronne. Et puis plus rien autour que la nuit. Et sa mobylette qui passe au loin. Et le silence autour du ronron. Et le silence autour du frigo. Les baladeuses. Have you ever stood in the darkness of night, screaming silently, you're a man? Have you ever hoped that a time would come when your voice could be heard in a noonday sun? Have you waited so long till your unheard song has stripped away your very soul? Well, then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Has a cry to live when your brain is dead made your body tremble so? And have unseen chains of too many years hurt you so bad till you can't shed tears? Have so many vows from so many mouths made you know that words are just words? Well, then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. You know that dignity, not just equality, is what makes a man a man. And so you laugh at laws passed by a silly lot that tell you to give thanks for what you already got. And you can't go on with this time-worn song that just won't change the way you feel. Well, you believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. You don't want to think, you just want to drink both the sweet wine and the gall. You've been burning inside for so long a while, till your old-time grin is now a crazed man's smile. And the goal so clear, and the time so near, you'll make it or you'll break the plow. Well, then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Yes, it's time you know who you really are and not try whitewash the truth. You're a man, you see, and a man must be whatever he'll be, or he won't be free. If he's bound up tight, he'll hold back the night, and there won't be no light for day. So you believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Dans la forêt des sons et des sens, nous rencontrons d'étranges créatures, amies d'un jour ou de toujours, vivant dans le proche et le lointain. Ils nous ont beaucoup parlé de leur rapport au silence, de leur façon de le vivre et de le créer en eux. Nous allons entendre Tom, que nous connaissons par son morceau de musique Wave Goodbye, diffusé dans notre première émission en janvier dont les dernières notes sont reprises dans chaque épisode de la fiction radio « Je n'en ai pas fini avec la mort ». Il est l'artisan principal du groupe de musique Mumbling Tom. Nous entendrons également Louis, qui a bien voulu accepter de répondre à mes questions alors qu'il était occupé à une opération de la plus haute importance, faire des pâtes fraîches à la machine. Et enfin, nous écouterons Elodie, que j'ai sortie un instant de sa rêverie, écouter le vent dans les arbres. Le silence pour moi, c'est presque impossible. C'est presque impossible parce que j'ai un monde intérieur qui ne connaît pas du tout le silence. C'est un monde intérieur qui est rempli de sons en permanence. Avec ma synesthésie, hein, j'ai chaque sensation, chaque émotion, chaque odeur qui peut se transformer en vibration sonore. Donc par exemple, une lumière trop vive peut avoir une tonalité, une texture sous mes doigts peut résonner comme une note de musique. Même une pensée peut s'accompagner d'un accord, d'un rythme ou d'une couleur sonore. Donc j'ai toujours plutôt la sensation d'être davantage un peintre sonore qu'un musicien. Je ne compose pas seulement avec des notes, mais avec des impressions, des paysages intérieurs où les sons et les couleurs se mêlent. Faire silence pour moi, je dirais que c'est pas juste couper le bruit, c'est me couper du monde extérieur. C'est fermer les yeux sur ce qui m'entoure, c'est m'extraire des stimuli visuels, tactiles, auditifs du dehors, pour mieux me plonger à l'intérieur de moi-même. Et dans ce silence extérieur, quelque chose se manifeste. Des teintes apparaissent, une vibration naît, un parfum évoque une mélodie, une couleur inspire une image, et peu à peu ces paysages extérieurs se transforment en paysages intérieurs qui peuvent prendre forme, et l'inverse peut aussi se passer hein, d'ailleurs, et ça vient des sons, des mots, des chansons, des idées visuelles. Donc si je devais résumer tout ça, je dirais que pour moi, faire silence, c'est pas une absence, c'est plutôt une présence. C'est un espace où je vais laisser émerger ce qui autrement serait noyé dans le bruit du monde. Un espace où je peux capter une forme d'invisible et lui donner une voix ou une incarnation. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus submergé par les sons. Les lumières aussi, bon, la synesthésie pour moi fait que je confonds souvent les deux. Et pour moi, faire silence, c'est un peu bâtir une forme de sanctuaire au sein duquel on peut se ressourcer, se retrouver, respirer et j'ai envie de dire aussi grandir d'une certaine manière, en tout cas grandir à soi-même. C'est comme si ça offrait un espace de vide que l'on pouvait remplir, mais de manière à se nourrir, je crois. Enfin, c'est comme ça que je le vois du moins. J'ai toujours sur moi des bouchons acoustiques ou des écouteurs avec un filtre anti-bruit. Et j'arrive à convoquer cet espace quand je suis seul, quand je reste dans un espace que j'ai pour moi. Sinon, je suis dans le quotidien, c'est assez compliqué. À traverser, je dirais, tous ces sons pour moi. J'ai toujours besoin d'avoir un espace où je reconstruis ce sanctuaire. Ah oui, ça fait partie de mon hygiène mentale. Hein. Sans ça, c'est la panique, j'ai envie de dire. Autrefois je ne savais pas qu'il est des mots qu'on n'entend pas. Mais un soir une ombre est venue qui m'a dit écoute un peu plus. Une voix te parle en mots inconnus. Entends-tu tout bas la voix silence. Je m'en suis allé promener. Les peupliers se sont penchés pour me raconter des histoires qu'ils étaient les seuls à savoir. Et le vent et la mer doucement me parlaient. C'est la voix du silence. Et depuis j'ai vu bien des gens qui jetaient des mots à tout vent et qui discouraient sans parler, qui entendaient sans écouter ou composaient et des chants que nulle voix n'a repris. La voix du silence. Les hommes ne voient plus les fleurs gris des rideaux, et les espérants faisant du bruit, meublaient le vide de leur vie, et mes moutons sans un bruit en goutte de rosée, étouffés comme la voix du silence, toi tu dors à mes côtés, et je n'ose pas te parler, de peur que mes mots se confondent avec le bruit que fait le monde. Mais je t'aime tant qu'un jour tu comprendras, tu m'entendras crier les mots du silence. Les baladeuses. Et voilà. Et est-ce que tu as affaire au silence, toi, Louis, dans ta pratique ? Dans ma pratique d'artisan quand je fais des pâtes. Enfin, dans ma pratique, non, pas forcément, mais je déteste le bruit. Alors, dans ma vie, oui. C'est ce qui m'angoisse le plus, d'être confronté au bruit. Enfin, m'angoisse, c'est pas un mot, mais ce qui m'ennuie le plus, en fait. Et voilà. J'ai occupé le dit. C'est pas tant le bruit, moi, qui m'embête. C'est par exemple le fait qu'on vit toujours en musique et tout. Ça me supporte, ça. Mm. Je trouve, en fait, il faudrait être s'éduquer au silence. Et comment on ferait ça, alors ? Eh ben, justement de pas en avoir. Comment ne pas en avoir peur et puis essayer de s'y confronter, de s'y frotter un peu, quoi. Parce que c'est un espace très mystérieux. En tout cas pour moi, tu vois. Une sorte de moment où, dans une intimité où se révèle une vérité. Tu vois, tout vient du silence. Donc c'est quand même assez. Par exemple, ce qui est plutôt inquiétant, c'est d'avoir une société qui soit muette sur le silence, par rapport au silence, en faisant du bruit. Et ça peut angoisser, puisqu'on peut pas l'appréhender, le silence. On sait pas ce que c'est. Tu vois, par exemple, Siméon, quand il était tout petit, je lui faisais écouter le silence, notamment des églises, qui étaient les seuls espaces en ville où on peut capter des moments extrêmement silencieux. Ça a vraiment fait partie de son développement, tu vois. Parce que j'y étais sensible, hein, et que je partageais ça avec lui. Mais quand tu peux avoir ça, bah, je trouve que tu es plus libre dans ta vie, quoi. Parce que tu peux te retrouver t'as pas peur de te retrouver dans le silence. Comme le monde vient du silence, par exemple, tu vois. C'est quand même. C'était quoi le premier bruit, tu vois ? C'est quand même. C'est quand même vertigineux, ça, hein. Donc en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on touche à un mystère, on touche à une présence qui nous dépasse. Alors c'est un peu flippant si on se la prend brutalement, mais si on arrive à si on arrive à l'apprivoiser petit à petit, c'est assez fascinant, quoi. Puis dans, tu vois, par exemple, aussi dans les... J'avais fait ça avec Roustan, de travailler sur le silence, justement, parce que c'est de là qu'émergent des choses, tu vois, des changements psychiques et comportementaux aussi. C'est... Donc ouais, c'est quand même une préoccupation assez... Et tout son que j'entends, je le mets enfin, inconsciemment, hein, mais je le mets toujours, toujours en résonance par rapport à un silence. Et je suis toujours attentif au silence qui précède et au silence qui suit. Ne serait-ce qu'une conversation, par exemple. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Les baladeuses. Je crois que plus j'avance, plus j'en ai besoin du silence. En fait, le silence pour moi, ça fait le calme dans ma tête. Et le silence, c'est pas forcément le silence. Tu vois, parce que là, c'est calme dans ma tête, mais on entend les oiseaux, on entend le vent dans les arbres. Mais c'est reposant. Je ferais un peu le silence en opposition au bruit, mais au bruit qui dérange, au bruit qui fatigue. Après, tu as des bruits qui ne fatiguent pas. Et moi, je peux l'assimiler au silence. Et quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je repensais et je me disais, les stimuli visuels, ça peut être du bruit aussi pour moi. Et en fait, dans les villes, par exemple, les panneaux, les machins, les vitrines et tout, c'est du bruit. C'est un truc qui va me prendre dans ma tête et je m'en rends compte que en étant là à la campagne où t'as pas ces trucs là et où du coup tu te dis ah ouais, en fait j'ai pas ce bruit aussi dans ma tête qui est lié à est lié à tous ces stimuli visuels pour lesquels tu peux ne plus faire attention à force, mais quand tu t'en détaches, tu t'en rends compte du coup beaucoup plus. Donc ouais, moi j'ai vraiment besoin de ça. Et même juste la, tu vois, le monde par exemple, une foule peut ne pas forcément faire du bruit, mais le monde de cette foule m'oppresse et me crée du bruit aussi. Donc pour moi, le silence, c'est ça. C'est les oiseaux, c'est le vent, c'est la verdure, c'est la nature. Forcément, quand je suis tranquille, soit à semer mes légumes, soit les arroser, soit les voir pousser. C'est nécessaire et c'est ça aussi qui m'apaise, c'est ce calme qu'il y a et qui te pénètre en fait, qui est à l'intérieur de toi. Et je pense que je suis quelqu'un qui est foncièrement avec 10 milliards de trucs tout le temps dans la tête, de choses à penser et tout ça. Et en fait, quand tu sèmes ou quand tu plantes, t'es sur une seule action et t'es concentré là-dessus et du coup tu t'apaises aussi. Et ces moments tout seul, moi j'aime bien. Je me sens bien. On le retrouve toujours de toute façon en opposition avec, avec le bruit. Hein. On dit que s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de silence en fait. Mais je pense que ma proportion de période nécessaire en silence est largement supérieure à celle du bruit, et plus ça avance, moins je suis tolérante à ça. Les baladeuses. On sait combien le souffle est d'une extrême importance dans l'exercice chorégraphique et quelle place prend sa maîtrise dans la formation des danseurs et des danseuses. Il constitua le socle sur lequel reposèrent toutes les recherches de Martha Graham, Merce Cunningham, Pina Bausch et de nombreux autres chorégraphes contemporains. Source de vie, la respiration eut également un rôle primordial pour la regrettée Anna Alprin, qui assurait que la danse est le moyen par lequel la respiration prend forme. L'ensemble de ses œuvres chorégraphiques repose ainsi sur le contrôle du souffle et en fait même un outil de révélation du corps dansant. Je vous invite aujourd'hui à explorer le potentiel chorégraphique de votre souffle en nous connectant aux baleines. Je vous invite à vous lever. Radio guidée. Je vous invite à vous lever, à vous installer sur vos deux pieds confortablement, à prendre quelques respirations pour vous mettre dans la danse radio guidée du jour. Et tranquillement, on va simplement imaginer que nous sommes allongés sur l'océan, la mer, la piscine, même votre baignoire. Vous êtes en train de flotter, ce qui crée une petite oscillation dans votre corps. Peut-être les bras se décollent de la cage thoracique et du tronc et laissent passer l'eau. Peut-être que vos doigts s'allongent et s'écartent pour laisser passer l'eau. Et tranquillement, sans réfléchir, laissez le corps prendre le contrôle. Vous flottez en imaginant l'immensité des fonds marins à l'arrière de votre dos et l'immensité du ciel à l'avant de votre corps. Observez ce que ces sensations créent dans votre corps et dans vos mouvements sans arrêter cette oscillation qu'on va essayer de garder durant toute la danse radio guidée. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Pour vous présenter nos partenaires de danse du jour, quelques mots sur la baleine de Cuvier. Ziphius cavirostris est un cétacé habitué des records. L'animal plutôt discret, bien qu'abondant dans la plupart des océans, est connu pour ses plongées à environ 3000 mètres de profondeur. Aucun autre mammifère marin ne plonge aussi profondément. Atteindre les abysses nécessite que la baleine de Cuvier retienne sa respiration pendant de longues minutes. Là aussi, elle détient un record avec une plongée de 137 minutes enregistrée en 2014. Continuez à inspirer, peut-être par le nez, et à expirer, peut-être par le nez ou peut-être par la bouche si c'est plus confortable. Et toujours en étant ballotté par les flots, observez ce qui se passe si dans cette musicalité de la respiration, on introduit des petits temps de rétention d'air. Peut-être une seconde, peut-être deux secondes, peut-être cinq secondes pour les plus aguerris, et observez ce qui se passe si on retient son souffle avant l'inspiration ou après l'expiration. Est-ce que ça change quelque chose dans votre corps ? Qu'est-ce qui se passe si pendant ces temps d'apnée, vous vous mettez à bouger peut-être un peu plus? Qu'est-ce que l'apnée fait à votre corps? Et qu'est-ce que l'apnée fait à votre mouvement? Et je vous invite à explorer ça encore quelques minutes. Thank you. En 1962, lorsque Printemps silencieux de Rachel Carson est paru, le mot « environnement » n'existait tout simplement pas dans le vocabulaire des politiques publiques. Dans quelques villes, comme par exemple à Los Angeles, on commençait à se préoccuper du smog, mais c'était plutôt pour son aspect visuel que pour des questions de santé. La problématique de la conservation, ancêtre du mouvement écologiste, avait bien été mentionnée dans les conventions démocrates et républicaines de 1960, mais seulement en passant, et presque exclusivement dans le cadre des parcs nationaux et des ressources naturelles. Et à l'exception de quelques articles épars dans des revues scientifiques très peu accessibles, il n'y avait pour ainsi dire pas de débat public sur les dangers invisibles et croissants du DDT et des autres pesticides et produits chimiques. Voilà la petite introduction au livre de Rachel Carson par Al Gore. Et juste pour qu'on sache tous et toutes de quoi on parle, qu'est-ce que le DDT ? C'est un produit chimique synthétisé en 1874 avec des propriétés insecticides et acaricides qui ont été découvertes qu'à la fin des années 30. Et donc son petit nom extrêmement sexy, c'est le dichlorodiphényltrichloréathane. Donc DDT, on va s'en tenir là. J'aimerais vous partager le premier chapitre de ce livre qui s'appelle « Fable pour demain ». Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait. Cette ville était au centre d'un damier de fermes prospères avec des champs de céréales et des coteaux de vergers où au printemps, des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts. À l'automne, érables, chênes et bouleaux formaient un incendie de couleurs qui brûlait et tremblait sur fond de pin. Les renards glapissaient dans les collines et les cerfs traversaient silencieusement les champs, à demi visibles dans les brumes matinales de novembre. Le long des routes, les lauriers, les viornes, les aulnes, les hautes fougères et les fleurs sauvages enchantaient l'œil du voyageur presque toute l'année. Même en hiver, les bords des routes étaient beaux. D'innombrables oiseaux venaient y picorer des baies et des graines que les herbes sèches laissaient pointer au-dessus de la neige. La campagne était d'ailleurs réputée pour l'abondance et la variété de ses oiseaux, et lorsque les flots de migrateurs déferlaient au printemps et à l'automne, les gens accouraient de très loin pour les observer. Des pêcheurs venaient aussi, attirés par les ruisseaux dont l'eau claire et fraîche descendait des collines, cherchant les trous ombreux affectionnés par les truites. Ainsi allaient les choses depuis les jours lointains, où les premiers pionniers avaient édifié leurs maisons, creusé leurs puits et construit leurs granges. Et puis un mal étrange s'insinua dans le pays et tout commença à changer. Un mauvais sort s'était installé dans la communauté, de mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours, le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s'étendit l'ombre de la mort. Les fermiers déplorèrent de nombreux malades dans leur famille. En ville, les médecins étaient de plus en plus déconcertés par ces nouvelles sortes de dégénérescences qui apparaissaient chez leurs patients. Il survint plusieurs morts, soudaines et inexpliquées, pas seulement chez les adultes, mais chez les enfants aussi, frappés alors qu'ils étaient en train de jouer et qui mouraient en quelques heures. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés ? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient plus picorer dans les cours. Les quelques survivants paraissaient moribonds, ils tremblaient, sans plus pouvoir voler. Ce fut un printemps sans voix. À l'aube, qui résonnait naguère du cœur des grives, des colombes, des jets, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais entendre. Le silence régnait sur les champs, les bois et les marais. Dans les fermes, les poules couvaient, mais les poussins cessaient d'éclore. Les fermiers se plaignaient de ne plus pouvoir élever les porcs. Les portées étaient faibles et les petits mouraient au bout de quelques jours. Les pommiers fleurirent, mais aucune abeille n'y venait butiner. Et sans pollinisation, il n'y avait plus de fruits. Les bords des chemins, naguère si charmants, n'offrirent plus au regard qu'une végétation rousse et flétrie, comme si le feu y était passé. Eux aussi étaient silencieux, désertés de tout être vivant. Même les ruisseaux étaient sans vie. Les poissons morts et les pêcheurs partis. Dans les gouttières, entre les barreaux des toits, des paillettes de poudre blanche demeuraient visibles. Quelques semaines plus tôt, c'était tombé comme de la neige sur les toits et les pelouses, sur les champs et les ruisseaux. Aucune sorcellerie, aucune guerre n'avait étouffé la renaissance de la vie dans ce monde sinistré. Les gens l'avaient fait eux-mêmes. Cette ville n'existe pas, mais elle aurait facilement un millier d'équivalents aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Je ne connais aucun endroit qui a fait l'expérience de tous les malheurs que je décris. Et pourtant, chacun de ces désastres a réellement eu lieu quelque part, et de nombreuses communautés bien réelles ont déjà souffert d'un certain nombre d'entre eux. Un effroyable spectre s'est insinué parmi nous, sans que nous en rendions compte, et cette tragédie imaginaire pourrait aisément devenir une réalité brutale que nous connaîtrons tous et toutes. Qu'est-ce qui a déjà réduit au silence les voix du printemps dans d'innombrables villes américaines ? Ce livre essaye de l'expliquer. Un peu plus loin dans le livre, je vous parle depuis le chapitre 15, la riposte de la nature. Avoir tant risqué pour modeler la nature à notre idée et manquer finalement notre but serait le comble du ridicule. La vérité, rarement avouée mais facile à discerner, est que la nature ne se laisse pas façonner si aisément et que les insectes trouvent le moyen de se soustraire à l'action de nos produits chimiques. Les promoteurs des campagnes insecticides modernes ont négligé deux faits d'importance. Le premier est que les seuls freins efficaces mis au développement des populations d'insectes sont ceux qu'a prévus la nature, non ceux que l'homme imagine. Ces freins sont ce que les écologues appellent la résistance du milieu. Ils datent de la création du monde. Ce sont la quantité de nourriture disponible, les conditions climatériques, la présence d'espèces concurrentes ou prédatrices. Le plus grand des facteurs empêchant les insectes de submerger le reste du monde est la guerre d'extermination que ces animaux mènent entre eux, a dit l'entomologiste Robert Metcalfe. Or, nos substances chimiques détruisent indifféremment tous les insectes, nos alliés comme les autres. Le second fait négligé par nos tueurs d'insectes est l'extraordinaire puissance des poussées de natalité d'une espèce lorsque la résistance du milieu est affaiblie. La fécondité de certains individus dépasse l'imagination, bien qu'ici et là, nous puissions en avoir des aperçus. Au temps où j'étais étudiante, nous faisions des miracles en jetant quelques gouttes d'un bouillon de culture de protozoaires dans un récipient rempli tout simplement de foin et d'eau. Quelques jours plus tard, notre baquet contenait une véritable galaxie d'animalcules tourbillonnants, d'innombrables trillions de paramécies, grosses chacune comme un grain de poussière, qui se multipliaient sans contrainte dans leur paradis provisoire de tiédeur, de sécurité et de riche nourriture. La fécondité de la nature, ce sont encore ces roches couvertes à perte de vue d'un manteau blanc de bernique. Ce sont les bancs de méduses qui déroulent à l'infini sur des miles et des miles, des ondulations de leur forme indécise à peine plus consistantes que de l'eau. Et puis pour terminer le chapitre 17, l'autre route de ce merveilleux livre de Rachel Carson publié en 1962. Et je vous invite à écouter la très belle émission que France Culture lui a dédiée pour en apprendre plus sur cette femme incroyable. Pour conclure sur cette lecture, vouloir contrôler la nature est une arrogante prétention née d'une biologie et d'une philosophie qui en sont encore à l'âge de Néandertal, où l'on pouvait croire la nature destinée à satisfaire le bon plaisir de l'homme. Merci Rachel Carson. Juliette, est-ce que tu nous ferais pas un petit résumé, non ? Je n'en ai pas fini d'après la conduite, normalement on en est là. Alors voilà, j'interviens, je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est l'heure du feuilleton. Mais alors vite, il va falloir qu'on lance. Je te voyais dans le silence, plongé dans le silence du printemps. Le quatrième épisode. Tu n'en as pas fini. Alors on n'en a jamais fini. Alors je n'en ai pas fini, comme son nom l'indique, n'en finit jamais. Alors on en est au quatrième épisode, on a encore un cinquième, un sixième, et après peut-être d'autres viendront, qui sait. Maddy est morte ce lundi. Ce vendredi soir, toute sa famille et ses amis se retrouvent pour préparer les funérailles qui vont avoir lieu le lendemain. Il y a JP, son ex-mari, leur fille, Rosette, Léo, sa sœur et sa compagne peinée, Armand, son collègue, et Jessie, son ami d'enfance. L'ombre de Maddy se tient encore tout près d'eux. Chacun se raconte son lien à Maddy. Armand n'est pas un simple collègue, mais son nouvel amoureux. JP le prend très mal, puis finit par se rapprocher de lui. La soirée s'avance, tombe un peu plus dans la nuit. Je n'en ai pas fini avec la mort. Thriller de l'intime. Un texte de Juliette Bargès. Quatrième épisode. 22h30. Armand et JP restent silencieux. Ils rangent quelques affaires restées dehors, déplacent les tables, empilent les chaises. Rosette les rejoint. JP plie le linge resté sur le fil. Il invite silencieusement Rosette à venir l'aider. Il plie les vêtements de Maddy très doucement et tendrement. Il cède dans cette tâche. Rosette rentre les vêtements à l'intérieur. Pendant ce temps, on entend puis la voix de Maddy, suivie par un poème téléphonique. Vous n'avez pas vu mon pull ? J'ai un peu froid. Je croyais l'avoir pourtant posé là. Sur la chaise. Non, il n'y est pas. Peut-être à l'intérieur alors ? C'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir laissé dehors. Rosette, c'est ma fille. L'unique fille que j'ai eue avec JP. On a essayé pendant des années de faire un deuxième enfant, mais cela n'a jamais marché. 6 fausses couches. Alors on a abandonné. Quand elle avait 11 ou 12 ans. De l'absence d'alter ego, elle a fait des jeux. Des personnages imaginaires sont venus peupler son enfance. Il y a eu Catherine, Joseph, Pierrot Pimprenel, Féroce et Ombre. Je crois que ces personnages continuent de l'habiter encore aujourd'hui. Rosette, ma fille. L'ombre de Maddy s'assoit sur le seuil, entoure ses épaules de ses bras. JP et Armand installent des chaises en demi-cercle, puis s'y assoient très lentement. Suivi du regard par Maddy. Chacun est retiré en lui-même comme s'il était à l'écoute de ce qu'il entend dans sa tête. Voix d'Armand, enregistrée. À tout petit pas, croisés et décroisés, sur la marelle de nos habitudes, je tangue et prends l'eau. Petite flaque qui s'étend jusqu'à la racine éclatant goudron et béton. Un petit tas de sel gonfle et s'envole. Vogue dans l'air pâle et plie jusqu'à terre sous le coup du vent. Clairsème l'herbe râpée, rêvant de prairies ondulantes aux hautes tiges, fines comme cheveux de toi, mouvantes comme membres de toi. En ton centre vivant fut déployé, dans l'abri moussu, la petite encoche qui rigole à pierre fendre, et varie, et vire, et cabre. Fragile et forte comme souvenir de toi. On entend une ancienne conversation téléphonique entre JP et Maddy. Allô, oui, c'est moi. J'ai oublié d'acheter du pain. Tu as oublié d'acheter du pain. Nous avons oublié d'acheter du pain. Mais c'était toi qui devais acheter du pain. Après, on en mange un peu et puis on le laisse. C'est quand même pas très économique. Et si on arrêtait de manger du pain, ça serait pas plus simple? Plus de courses jusqu'à la boulangerie à 7h05. Plus de dépit à revenir avec seulement une demi-baguette. Plus de baguettes rancies dans le placard. Et si on arrêtait d'acheter? Oui, mais comment on fera pour manger du pain si on n'en achète plus? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir le faire en plus de tout le reste? Le reste de la discussion devient inaudible. L'ombre de Maddy éclate de rire silencieusement. Nouveau poème téléphonique, voix de JP enregistrée. Dans la clarté traversière, cueillir 3 brins, tricot de gestes et de mots, qui nous sert de lieu. Ni midi ni minuit, entre deux, entre nous, dans l'exactitude du vital, notre accordage, même arraché à la chair du monde, demeure. L'ombre de Maddy, toujours assise sur le seuil, les bras serrés autour d'elle en position fœtale, reste dans l'ombre jusqu'à disparaître, complètement. JP sort de son silence et s'adresse à Armand. Est-ce que le chagrin peut retomber comme un soufflet ? Parce que je suis gonflé, gonflé comme une outre prête à exploser ? Les grands yeux, grands comme des soucoupes, comme écarquillés en permanence. Et clair avec ça. Miroir d'eau, glace fondue, qui scie peu. Comme quelqu'un sous le cou. Mais de quoi ? Voile léger sous duvet d'oiseau, vrillonnant sous les doigts musiciens, peau lumière, grain parchemin dans la nuit chansonnière, nuit électrique, torse nuit, bras nuit, sein nuit. On est dans l'inframince là. L'inframince ? Oui. Restons-y un moment. Lors d'un voyage ensemble, on a été pris par le temps. On a été hébergé à la dernière minute dans une pièce aménagée dans un garage. Elle était encombrée de pots de peinture, de tapis roulés, de bric-à-brac de toutes sortes. On a eu de la peine à se frayer un chemin. Et là, merveille des merveilles, enfin était là, devant nous, un grand lit ancien en bois marqueté. Qu'est-ce qu'on a ri ! Mais oui, le fou rire, le rire fou qui monte et dévale et recommence encore une fois, et puis encore, rire montagne russe, rire grand huit, cavalcade. Je ne comprends pas pourquoi je me rappelle de ça. Ce qu'on se rappelle quand même, c'est drôle. On ne sait pas d'où les souvenirs nous reviennent. Ils débarquent sans crier gare. Le train des souvenirs. On ne dit pas plutôt le train des rêves ? Le train des souvenirs, c'est la correspondance. J'ai mis 4 ans avant d'oser l'aborder. Elle dégageait quelque chose qui ne m'encourageait pas. Elle ne faisait rien pour, voilà tout. Et j'aurais voulu qu'elle m'aide. Mais elle n'était pas là pour ça. On était quand même censé travailler ensemble. On se parlait, mais c'était factuel, lié au boulot, évidemment. Et un jour, j'ai osé. Je me suis jeté à l'eau. Comme je ne suis pas bon nageur, ça a failli être une catastrophe. Mais comme je ne suis pas bon nageur, je sais me rattraper aux branches. Et je l'ai eu, mon premier rendez-vous au bar du coin de la rue. Quelle affaire ! 1 an de plus pour que cela devienne une habitude, et 1 an supplémentaire pour que le coup à boire s'éternise et s'échappe vers autre chose. Vous l'avez joué à l'ancienne, fortiche. Ce moment de bascule, comme j'en étais impatient, comme je l'attendais. Ah, le bascule. Pas de voyage, pas de sortie, pas de projet, pas de promesse, rien de tout cela. Du pur instinct. Ça a son charme. Et son intérêt, j'imagine. Je t'envie. Enfin, je vous envie. Toute cette mémoire partagée, tous ces souvenirs que vous aviez ensemble. J'étais comme un moineau tombé du nid. J'attendais qu'elle me donne la béquée, qu'elle nourrisse le manque, le creuse encore un peu plus. J'ai des souvenirs, mais ils sont un peu répétitifs, pas très diversifiés plutôt. Maintenant, elle est entre nous, JP, ça nous rapproche. Toutes ces choses sont passées comme l'ombre et comme le vent. Encore du Hugo. Oui, passées comme l'ombre et comme le vent. Et si on continue de boire ? Arriver à l'enterrement après une nuit blanche et plusieurs bouteilles de rhum dans le gosier, comme le consul. Le consul ? Le héros du roman Au-dessous du volcan. Maddy aurait fait une excellente Yvonne, j'en suis sûr. Je ne l'ai pas lu. Toujours ce besoin de t'inventer qui t'a copié. Tu es déjà un personnage de roman à toi tout seul. De roman, je ne sais pas. En tous les cas, c'est comme ça que j'aurais aimé mener ma vie. Tu me vois ? Hurler des imprécations aux employés des pompes funèbres, envoyer valser tante Josepha, pisser sur les bouquets, pire, même manger un bouquet, me délecter de chaque fleur, l'une après l'autre, sous les yeux horrifiés de l'assemblée, cracher les tiges mâchouillées sur le parterre, trébucher devant le cercueil, regarder d'un œil vitre les invités qui me serrent la main, l'essuyer sur la jambe de mon pantalon après chaque poignée, comme si elle était à chaque fois salie, Ne plus reconnaître personne, confondre nom et prénom, oublier encore. Je te mêlerai Armand, tranchant dans le silence d'un coup. Armand, il t'en reste, passe-moi la bouteille. Ils se regardent, se jettent dans les bras l'un de l'autre soudainement. Rosette sort de la maison, attrape une chaise et vient s'asseoir entre eux deux. Elle les a regardés faire, manifester cette nouvelle fraternité d'un regard amusé. Mais t'es pas couché? Non, je tourne et je me retourne. Alors autant me tourner vers vous un moment. La fraîcheur va finir par tomber. Ah, c'est une étoile. Où ça? Et juste au-dessus des peupliers des Vermorelles. Ah oui, qu'elle est belle. Une bonne grosse étoile qui scintille l'air de rien. J'ai plein d'images, de bouts de souvenirs, de gestes, de bruits, de voix. Complètement habité. Comment pourrais-je dormir? JP continue de regarder les étoiles apparaître. En essayant juste de respirer et de rester concentré sur ta respiration. Ça peut aider? Moi, ça m'aide. Et je connais d'autres personnes que ça aide aussi. Tu ne sais peut-être pas que je suis schizophrène. Enfin, un genre. Ah, ça, non. Je savais pas et j'avais rien remarqué. Qui dit ça? Bah, ce n'est pas écrit sur mon front non plus. C'est le genre de truc qui se passe dans la tête, alors ça ne se voit pas du premier coup d'œil, évidemment. Mais on dit plutôt troubles apparentés. Ça fait chic et moins peur. Tout le monde le dit par ici. Quelques médecins, des profs, mais pas mes amis. Faut dire que mes amis, c'est une agoraphobe et un aveugle. En diagnostic, ils en connaissent un rayon. Mais respirer, tu peux le faire comme tout le monde, non? Faut voir. Comme tout le monde, ça n'existe pas pour moi. Mais bref, oui, bien sûr, comme tout le monde. Bon, et si on chantait? Et si on la faisait, notre cérémonie, papa? Tout doucement, alors. Parce que le monde dort. On l'envoie à Maddy, ce chant. D'accord? Oui, on l'envoie à Maddy. On va chanter I Fly Away, hein, papa? Comment on fait? Pour l'envoyer? Ah, oui, pas de fax, hein, de timbre ou quoi que ce soit. Ça se passe dans la tête. Pendant que tu chantes, tu penses fort à elle, comme si elle était devant toi et que tu lui chantais la chanson. Et ça sera notre cérémonie? Oui, c'est notre cérémonie à tous les deux, à tous les trois. Vous avez déjà commencé avant que j'arrive, je suis sûr. Demain, on fera celle avec tout le monde, voilà. Armand et Rosette se mettent à chanter. JP les rejoint au milieu de la chanson en pleurant pour la première fois. Ils regardent les étoiles et se les montrent les uns aux autres. Épisode. Je n'en ai pas fini avec la mort. Thriller de l'intime de Juliette Bargès. Enregistré le 15 décembre 2024 au Choc Théâtre à Saint-Étienne par Mohan Besson avec Alain Besset dans le rôle de JP, Dominique Chenet dans le rôle de Jessie, Sabrina Laure dans le rôle de Léo, Juliette Bargès dans le rôle de Péné, Yann Mercier dans le rôle d'Armand, Maude Thérillon dans le rôle de Rosette, Emily Weiss dans le rôle de Maddy. Didascali, Juliette Bargès. Mixage, Mohan Besson et Juliette Bargès. Musique, Mumbling Tom. Extrait du morceau Wave Goodbye. Thank you. to harm. Aujourd'hui, dans notre générique des baladeuses, vous avez écouté John Cage, la sonate numéro 16, Hélène Brown, The End of Silence, Marie Laforêt, La Voix du Silence, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, Massive Attack, Silent Spring, et une reprise de Enjoy the Silence par Moriarty. Vous avez écouté aussi un texte de Juliette Bargès, Silence Radio, des textes de Sophie Abailly et Juliette Bargès sur le silence, un extrait de Jérôme Sueur, Histoire naturelle du silence, de Rachel Carson, Printemps silencieux, des extraits des travaux de John Cage et un tout petit extrait de Maurice Fréchuret, La puissance créative, créatrice du souffle. Et je vais laisser la parole à Juliette qui va nous faire un petit point agenda. Alors, en ce temps de mois de mai, on a plusieurs spectacles au Verso et au Choc Théâtre. Le 14, 15 et 16 mai au Verso, on aura le spectacle Masculinité sur la construction de la masculinité, comme son nom l'indique, le sexisme, etc., etc., de la compagnie La Dépense, et c'est un texte de Léonie Kerkert. Le sous-titre de Masculinité, c'est « Guide pratique de déconstruction à l'usage des lycéens et lycéennes ». Il y aura également au Verso un spectacle d'une compagnie italienne qui est parrainée, jumelée avec la compagnie stéphanoise de L'âme à la vague. Et ils feront un spectacle 22 et 23 mai à 20h, « Le cœur de Babel ». Et ensuite, au Choc Théâtre, on aura un spectacle le 15 et 16 mai à 20h qui s'appelle « Résiste » de Sophie Lanfranc autour de la personne de France Gall, de la personnalité et de l'œuvre de France Gall, par la compagnie Maintes et une fois. Ensuite, vendredi 23 mai à 20h, il y aura « Lune et cri de loup », un concert et une sortie d'album de Christopher Murray. Voilà, c'est tout. Après, si on a d'autres informations, eh bien, on les dira une autre fois. Pensez à vos devoirs de vacances et n'hésitez pas à écouter le silence, à briser des silences ou simplement à laisser des silences. Et Sophia va rendre l'antenne. Oui, à briser le silence. Et puis, il y a des silences, des fois, qui sont un peu lourds de conséquences. Je pense notamment au dernier silence de nos ministres là, vis-à-vis de la mort d'Abou Abouka. Aboubacar, voilà. Le mois prochain, puisque c'est dans un mois, c'est le quatrième mercredi de chaque mois que les baladeuses vous baladent. Donc la prochaine fois, ce sera une émission spéciale interview le 28 mai. Oui, bah, tu peux le dire, hein, en fait, tu es au micro, donc tu souffles, mais on t'entend. Le 28 mai. Le 28 mai de 10h à 11h30 sur Radio Dio 89.5. Voilà, donc je disais quoi ? Oui, le prochain thème, ce sera relecture avec un S au pluriel, puisque nous aurons des invités. Alors là, ça va être le bazar dans le studio, ça va être super. On a déjà quelques noms qui se profilent, mais c'est encore top secret. Voilà, on pour essayer de savoir qui c'est qui viendra. Et on fera relecture Une relecture de tous les thèmes qu'on a abordés dans les baladeuses depuis ce mois de janvier. Voilà. Donc on verra. Nos invités reliront, rebaladeront autour des thèmes qu'on a vus, à savoir donc depuis le début, on a vu les absences avec un S entre parenthèses, carnaval avec un S entre parenthèses, grand ménage avec des S, et donc silence aujourd'hui. Donc on avec des S, avec des S entre parenthèses, et on va essayer de voir tout ça. Voilà, et ben on vous dit ben à la prochaine fois. Au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés. Merci, au revoir. Ah, on avait une petite assistante aujourd'hui, en la personne d'Anna, qui nous a tout fait aujourd'hui dans les baladeuses. Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant.